Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, toute l'équipe de Radio Fadjet se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Et on va ouvrir notre émission avec un peu de la musique de Johann Pachelbel, 1653-1706. Et c'est vrai que Pachelbel, il est surtout connu pour un fameux canon et gigue qui a été orchestré pour cordes parce qu'à l'origine, c'était une pièce pour orgue. Et comme beaucoup de compositeurs de cette époque, du grand siècle, on ne sait malheureusement pas grand-chose sur lui. Il était né à Nuremberg, il s'est dirigé très tôt vers l'orgue et la composition, et il a été titulaire à ses débuts de l'orgue de la paroisse d'Aldorf, et où il fréquentait aussi l'université. Et par la suite, il a eu des fonctions aussi prestigieuses dans différentes villes plus importantes comme Vienne, Stuttgart, Eisenach, justement, et c'est à la cour d'Eisenach qu'il s'est lié d'amitié avec Ambrosius Bach, qui était le père de Jean-Sébastien. Alors donc, on va écouter ce célèbre canon de Pachelbel, l'English Concert est dirigé du clavecin par Trevor Pinnock. Thank you. Le célèbre canon de Pachelbel, interprété par l'ensemble The English Concert, dirigé du clavecin par Trevor Pinnock, son fondateur, et un peu maintenant de la musique d'Henryk Wieniawski. Est-ce que vous le connaissez, ce compositeur ? C'est un compositeur très intéressant, c'est un violoniste, un enfant prodige du violon, et il a laissé énormément de partitions pour son instrument, toutes plus virtuoses les unes que les autres. Il est né en 1845, il est mort en 1880, et il était du niveau des grands violonistes de l'époque, c'est-à-dire Joseph Joachim, qui avait quelques années de plus que lui, ou encore Pablo de Sarasate, qui était un peu plus jeune. Et c'était vraiment un violoniste connu dans l'Europe entière et même aux États-Unis, parce qu'il a donné beaucoup de concerts là-bas avec le pianiste Anton Rubinstein. Il avait étudié à Paris avec un violoniste qui s'appelait Massar. Il lui a dédié d'ailleurs son deuxième concerto pour violon. Et c'est vraiment l'un des grands maîtres de cet instrument au 19e siècle. On va écouter un peu de sa musique avec son deuxième concerto pour violon, justement dédié à son maître Massar. C'est Itzhak Perlman qui est le soliste. L'orchestre de Paris est dirigé par Daniel Barenboim. Thank you. Évidemment, c'est extrêmement difficile, extrêmement virtuose hein, que ces concertos de Wieniawski. C'était le deuxième, le final, interprété par Itzhak Perlman. L'orchestre de Paris était dirigé par Daniel Barenboim. Le label Alpha Classics a publié récemment un coffret de 7 CD réunissant les enregistrements de la soprano Jodie DeVos, disparue en 2024, en juin 2024, emportée par un cancer du sein à l'âge de 36 ans. Et c'était vraiment une artiste incomparable, exceptionnelle que cette jeune Jodie DeVos, disparue si jeune. Et donc ce coffret eh bien, nous propose les 6 disques qu'elle a enregistrés pour le label Alpha Classics et puis un enregistrement de concert, donc un inédit. Alors les fonds récoltés pour la vente de ce coffret iront à la fondation Jodie DeVos, qui se charge d'aider, de promouvoir l'art lyrique, les jeunes talents en quelque sorte. On va écouter, retrouver avec toujours beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de plaisir, Jodie DeVos dans un air tiré de l'opéra d'Ambroise Thomas, Le songe d'une nuit d'été. C'est la cavatine d'Elisabeth. Elle est entourée par l'Orchestre philharmonique de Bruxelles que dirige Pierre Bleuze. Thank you. La cavatine d'Elisabeth, tirée de l'opéra Le songe d'une nuit d'été d'Ambroise Thomas, avec la voix de Jody De Vos. L'orchestre philharmonique de Bruxelles était dirigé par Pierre Bleuze. Et je vous rappelle ce coffret de cet disque publié par Alpha et dont les bénéfices seront reversés au fonds Jody De Vos pour la promotion des jeunes artistes lyriques. Si vous avez écouté l'émission d'hier, ce dont je ne doute pas, eh bien vous savez déjà que notre rubrique des grands pianistes du XXe siècle rend ce week-end hommage à Radu Lupu, pianiste roumain né en 1945, qui a brûlé les étapes parce qu'il a gagné très jeune les grands concours, les concours les plus prestigieux, le concours de Van Cliburn, le concours de Moscou, le concours de Leeds, et qui a joué très tôt avec les plus grands orchestres et les plus grands chefs du monde. Et ben aujourd'hui, on va le retrouver, Radu Lupu, dans Brahms. C'est un compositeur qu'il a énormément joué. Le Sextuor, une transcription pour piano seul de ce Sextuor de Brahms, le deuxième mouvement, qui en fait est transcrit pour piano à quatre mains, mais Radu Lupu l'a enregistré dans une version pour piano seul. Il faut savoir aussi que Radu Lupu avait une particularité, c'est que en lieu et place du tabouret habituel des pianistes, eh bien, il souhaitait avoir une chaise tout à fait normale, une chaise ordinaire, parce qu'il estimait que, bon, déjà, il avait un peu mal au dos avec une chaise, et puis ensuite, ça lui permettait vraiment de déployer ses moyens pianistiques bien plus qu'un tabouret. Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pianistes qui sont assis sur des chaises en lieu et place d'un tabouret, mais enfin, lui, il faisait ça, et il y trouvait vraiment quelque chose d'important. C'était pour lui, une façon de mettre un peu plus en relief sa virtuosité. On va le retrouver donc dans ce mouvement lent du Sextuor de Brahms version pour piano seul, Radu Lupu. Voilà, c'est un extrait du Sextuor de Johannes Brahms, le deuxième mouvement, joué par Radouloupou, une transcription pour piano seul. Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Radio Fadjet, tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur 94.2. Et on continue avec un peu de la musique de Miklos Rosa. C'est un compositeur qui s'est surtout spécialisé sur la musique de film. Et il a travaillé avec les plus grands réalisateurs, notamment Alfred Hitchcock, mais une fois seulement pour la maison du docteur Edwards. Et cette collaboration lui a valu un Oscar de la meilleure musique de film. C'est d'ailleurs le seul film d'Hitchcock qui sera récompensé par un Oscar pour la musique. Et on sait pourtant que Hitchcock était très attentif à ce point et qu'il a longtemps travaillé avec Bernard Herrmann, qui a aussi composé des musiques absolument géniales. Miklos Rosa, il était justement en concurrence avec Bernard Herrmann, avec Korngold, avec tous ces compositeurs venus d'Europe et qui se sont spécialisés dans la musique de film. L'une des musiques de Miklos Rosa parmi les plus célèbres, c'est celle de Ben-Hur. On va écouter le thème d'amour joué au violon par Daniel Hopp et il est entouré du Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Superbe, hein, le thème d'amour de Ben-Hur, musique signée Miklos Rosa, jouée au violon par Daniel Hopp et puis le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, était dirigé par Alexander Schelley. Donc Rosa qui s'était spécialisée dans le péplum, la musique de péplum. Et Aïda de Verdi, quelque part, on n'est pas loin du péplum. Bon, ça se passe dans l'Égypte ancienne, évidemment. Et c'est un opéra de 1871 en quatre actes, écrit pour le Caire. Aïda se plie aux exigences du spectaculaire et oppose des scènes intimes aux grandioses déploiements de chœurs et de foule, évidemment, les fameuses trompettes d'Aïda, avec ce thème très célèbre, et l'œuvre probablement la plus célèbre de Verdi avec Nabucco et la Traviata. Allez, on en écoute un extrait, la conclusion de l'acte 2, justement où l'on entend, à un moment donné, tout à fait à la fin, le fameux thème des trompettes. La conclusion du deuxième acte d'Aïda de Giuseppe Verdi avec le chœur et orchestre philharmonique de Vienne, le chœur d'État de Vienne, et puis Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, fameux enregistrement dirigé par Herbert von Karajan au début des années 60. Hier, dans l'émission, j'ai présenté Ignaz Pleyel, compositeur né en Autriche en 1757, mort à Paris en 1831, qui a été l'élève de Joseph Haydn, avec lequel il s'est d'ailleurs très très bien entendu, qui a fondé ensuite une maison d'édition à Paris, publiant les partitions de la musique de son temps, et puis fondant aussi qui avait fondé aussi une maison de piano, de facture de piano, les fameux pianos Pleyel. Pour lui rendre hommage, évidemment, à Paris, il y a la salle Pleyel. Donc, un compositeur essentiel de son temps qui a essentiellement composé pour l'instrument, des œuvres instrumentales, peu d'œuvres vocales. Il a composé une quarantaine de symphonies, autant de quatuors à cordes, même plus de quatuors à cordes, 70, hein, et puis de nombreux trios, duos avec piano. Donc, un compositeur qu'il faut connaître parce qu'il y a vraiment des choses tout à fait remarquables dans le catalogue des œuvres d'Ignaz Pleyel. On va écouter le final de la symphonie en do, jouée par l'orchestre Capella Istropolitana, dirigé par Uwe Grodd. original, l'Allegro de la symphonie en Do d'Ignace Pleyel avec l'ensemble Capella Istropolitana dirigé par Uwe Grodd. Et un peu de Handel maintenant avec son opéra Ariodante, opéra en trois actes de 1735. Alors Handel avait quitté son Allemagne natale à 21 ans pour gagner l'Italie. Il avait connu ses premiers succès à Venise et puis ensuite il était parti à Londres. Et là, il a commencé une carrière brillante, montant des théâtres, faisant faillite, remontant ensuite d'autres théâtres, poursuivi par la cabale de ses concurrents, en quelque sorte. Bref, une vie très, très mouvementée que celle de Handel. Et puis, il a composé, bien sûr, des musiques pour les fêtes nautiques de Georges Ier sur la Tamise. On sait que la water music, les feux d'artifice, ça, ce sont des œuvres essentielles chez Handel. Mais il a aussi, évidemment, composé dans tous les genres, en particulier l'opéra. Et Ariodante, et ben, c'est vraiment l'un des grands opéras de Handel. Et l'air fameux, Scherza in Fida, est vraiment, vraiment quelque chose d'assez raffiné, de très très beau. Je vous le propose tout de suite, chanté par Philippe Jarouski. L'ensemble, le concert d'Astrée, est dirigé par Emmanuel Haïm. Scherza Infida, tirée de l'opéra Ariodante de Handel, chantée par Philippe Jarouski. L'ensemble, le concert d'Astrée, était dirigé par Emmanuel Haïm. Je crois qu'on a rarement chanté avec autant de douleur la séparation, la trahison amoureuse. C'était donc vraiment la voix de Philippe Jarouski, que je trouve toujours excellent. Hein. On va continuer avec Radulupu, donc ce pianiste qui nous occupe ce week-end dans notre rubrique des grands pianistes du XXe siècle. Et on va le retrouver dans Schubert. Hier, je vous ai proposé un moment musical Deutsch 780. Et là, aujourd'hui, on va écouter le final de la sonate Deutsch 784. Deutsch, c'est Helmut Deutsch, c'est le musicologue qui a classé les œuvres de Schubert. Alors Radulupu, il s'est fait connaître très très jeune comme gagnant de différents concours, le concours Van Cliburn en 66, et il s'était imposé face aux concurrents avec un programme qui insistait beaucoup sur la virtuosité. Et puis un an plus tard, il gagne le concours de Leeds. Il l'a gagné sans effort, mais là, il avait donc joué des œuvres beaucoup plus introverti en quelque sorte. Et Nikita Magaloff, le grand pianiste qui faisait partie du jury, en l'entendant jouer, avait confié à des amis qu'il avait le sentiment qu'une nouvelle époque de l'interprétation au piano commençait grâce à Radulupu. Radulupu est essentiellement enregistré pour le label Decca. On va le retrouver donc dans cette sonate Deutsch 784 de Schubert, qui pour moi est une référence, d'ailleurs vraiment l'une des meilleures interprétations de cette sonate au disque. Thank you. c'est absolument remarquable. Hein. Finale de la sonate Deutsch 784 de Franz Schubert, jouée par Radouloupou. Allez, on va terminer par Boléro de Ravel. Je ne vais pas présenter cette œuvre que tout le monde connaît, mais c'est la première émission, ce sont les premières émissions de l'année. Alors voilà, bah, j'aime bien faire aussi plaisir à mes auditeurs en passant une œuvre que tout le monde adore réécouter. Thank you. Conclusion de Boléro de Maurice Ravel avec l'Orchestre Symphonique de Londres, direction Claudio Abbado. Ben voilà, c'est terminé pour ce week-end et on se retrouve la semaine prochaine à 11h pour de nouvelles émissions de discothèque classique le samedi et le dimanche de 11h à midi sur 94.2 Radio Fadjet. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne semaine, à très très bientôt j'espère.